No me compares con ella, amor, lo siento. Me quieres por una noche, te diga lo siento. Ne me compare pas à elle, mon amour, lo siento. Pour une nuit tu me voudrais, je te dis lo siento. Lundi, à lundi, il insiste pour prendre des nouvelles. Mardi, à mardi, papi chou pour lâcher l'affaire. Papi, papi, papi chulo. Papi, papi, papi, qu'est-ce tu veux? Papi, papi, papi chulo. Papi, papi, papi, qu'est-ce tu veux? Papi, papi, papi chulo. Papi, papi, papi, qu'est-ce tu veux? Papi, papi, papi chulo. Papi, dime qué quieres hacer. Rápido no tiempo. La seducción que te gusta. Yo también pero sin ti. Dis-moi ce que tu veux faire. Rápido no tiempo. Ce jeu de séduction tu aimes ça. Pas avec moi lo siento. Lundi, à lundi, il insiste pour prendre des nouvelles. Mardi, à mardi, papi chou pour lâcher l'affaire. Papi, papi, papi chulo. Papi, papi, papi, qu'est-ce tu veux? Papi, papi, papi chulo. Papi, papi, papi, qu'est-ce tu veux? Papi, papi, papi chulo. Papi, papi, papi, qu'est-ce tu veux? Papi, papi, papi chulo. Papi, qu'est-ce tu veux? Dis-le-moi, oui, dis-moi ce que tu veux. Dis-le-moi, j'exaucerai tes vœux. Dis-moi ce que tu veux. Dis-le-moi, dis-le-moi, oh oui. Dis-moi ce que tu veux. Dis-le-moi, j'exaucerai tes vœux. Dis-moi ce que tu veux. Papi, papi, papi chulo. Papi, papi, papi, qu'est-ce tu veux? Papi, papi, papi chulo. Papi, papi, papi, qu'est-ce tu veux? Papi, papi, papi chulo. Papi, papi, papi, qu'est-ce tu veux? Papi, papi, papi chulo. Papi, qu'est-ce tu veux? Papi chulo.